c'est bien cuisiner et faire la vaisselle, déboucher un évier et sortir la poubelle. Je n'oublie jamais les dates d'anniversaire. Je peux tout supporter, même une belle-mère. Je ne laisse jamais de poils dans la douche. Il m'arrive même de m'amuser en faisant les courses. Je ne suis jamais bourré, je m'arrête à pompette. Et quand je vais au WC, je rabaisse toujours la lunette. Je suis un homme parfait, aucun défaut particulier. Je suis un homme parfait, on n'a pas rien me reprocher. Je suis un homme parfait, aucun défaut particulier. Je suis un homme parfait, on n'a pas rien me reprocher. Je ne regarde jamais de match de foot à la télé. Les soirées bières et canapés m'ont toujours ennuyé. Je suis un berbe à part une barbe de 3 jours. Mes abdos sont superbes, garantis sans Cronenbourg. Je suis cultivé et très romantique. D'ailleurs mon film préféré, c'est Titanic. Le samedi après-midi, j'adore faire les boutiques. Et je sais faire des compromis, tout le monde me trouve sympathique. Je suis un homme parfait, aucun défaut particulier. Je suis un homme parfait, on ne peut rien me reprocher. Je suis un homme parfait, aucun défaut particulier. Je suis un homme parfait, on ne peut rien me reprocher. Avec moi, qu'est-ce qu'on se fait chier? Mais vous savez que je suis un homme parfait.